J'ai dîné à Tours. Et ajouta-t-il en regardant Grandet, je n'ai besoin de rien, je ne suis même point fatigué. Monsieur vient de la capitale, demanda Madame des Grassins. Monsieur Charles, ainsi se nommait le fils de Monsieur Grandet, de Paris, en s'entendant interpellé, prit un petit lorgnon. Suspendu par une chaîne à son col, l'appliqua sur son œil droit pour examiner et ce qu'il y avait sur la table et les personnes qui y étaient assises. Lorgna fort impertinemment Madame des Grassins et lui dit après avoir tout vu, « Oui, madame, vous jouez au loto? » « Ma tante, ajouta-t-il, je vous en prie, continuez votre jeu, il est trop amusant pour le quitter. » J'étais sûr que c'était le cousin, pensait Madame des Grassins en lui jetant de petites œillades. 47, cria le vieil abbé. Marquez donc, Madame des Grassins, n'est-ce pas votre numéro? Monsieur des Grassins mit un jeton sur le carton de sa femme, qui, saisie par de tristes pressentiments, observa tour à tour le cousin de Paris et Eugénie, sans songer au loto. De temps en temps, la jeune héritière lança de furtifs regards à son cousin, et la femme du banquier put facilement y découvrir un crescendo d'étonnement ou de curiosité. Monsieur Charles Grandet, beau jeune homme de 22 ans, produisait en ce moment un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement et que tous étudiaient pour se moquer de lui. Ceci veut une explication. À 22 ans, les jeunes gens sont encore assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à des enfantillages. Aussi peut-être sur 100 d'entre eux s'en rencontrerait-ils bien 99 qui se seraient conduits comme se conduisait Charles Grandet. Quelques jours avant cette soirée, son père lui avait dit d'aller pour quelques mois chez son frère de Saumur. Peut-être M. Grandet de Paris pensait-il à Eugénie. Charles, qui tombait en Provence pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, de désespérer l'arrondissement par son luxe, d'y faire époque, et d'y importer les inventions de la vie parisienne. Enfin, pour tout expliquer d'un mot, il voulait passer à Saumur plus de temps qu'à Paris à se brosser les ongles et y affecter l'excessive recherche de mise que parfois un jeune homme élégant abandonne pour une négligence qui ne manque pas de grâce. Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il y en avait de gris, de blanc, de noir, de couleur scarabée, à reflets d'or, de pailleté, de chiné, de double, à châle ou droit de col, à col renversé, de boutonné jusqu'en haut, à boutons d'or. Il emporta toutes les variétés de col et de cravate en faveur à cette époque. Il emporta deux habits de buisson et son linge le plus fin. Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa mère. Il emporta ses colifflets, ses colifichets de dandy, sans oublier une ravissante petite écritoire donnée par la plus aimable des femmes. Pour lui du moins, par une grande dame qu'il nommait Annette, et qui voyageait maritalement ennuyeusement en Écosse, victime de quelques soupçons auxquels besoin était de sacrifier momentanément son bonheur, puis force joli papier pour lui écrire une lettre par quinzaine. Ce fut enfin une cargaison de futilités parisiennes, aussi complète qu'il était possible de la faire, et où depuis la cravache qui sert à commencer un duel jusqu'au beau pistolet ciselé qui le termine, se trouvaient tous les instruments oratoires dont se sert un jeune oisif pour labourer la vie. Son père lui ayant dit de voyager seul et modestement, il était venu dans le coupé de la diligence retenue pour lui seul, assez content de ne pas gâter une délicieuse voiture de voyage commandée pour aller au-devant de son Annette, la grande dame que, etc., et qu'il devait rejoindre en juin prochain aux eaux de Badin. Charles comptait rencontrer 100 personnes chez son oncle, chasser à court dans les forêts de son oncle, y vivre enfin la vie de château. Il ne savait pas le trouver à Saumur où il ne s'était informé de lui que pour demander le chemin de Froidfond. Mais en le sachant en ville, il crut l'y voir dans un grand hôtel, afin de débuter convenablement chez son oncle, soit à Saumur, soit à Froidfond. Il avait fait la toilette de voyage la plus coquette, la plus simplement recherchée, la plus adorable. Pour employer le mot qui, dans ce temps, résumait les perfections spéciales d'une chose ou d'un homme. À Tours, un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains. Il y avait changé de linge et y mit une cravate de satin noir, combinée avec un col rond de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure. Une redingote de voyage à demi boutonnée lui pinçait la taille et laissait voir un gilet de cachemire à châle sous lequel était un second gilet blanc. Sa montre, négligemment abandonnée au hasard dans une poche, se rattachait par une courte chaîne d'or à l'une des boutonnières. Son pantalon gris se boutonnait sur les côtés, où des dessins brodés en soie noire enjolivaient les coutures. Il maniait agréablement une canne dont la pomme d'or sculptée n'altérait point la fraîcheur de ses gants gris. Enfin, sa casquette était d'un goût excellent. Un Parisien de la sphère la plus élevée, pouvait seul et s'agencer ainsi sans paraître ridicule, et donner une harmonie de fatuité à toutes ces niaiseries, que soutenait d'ailleurs un air brave. L'air d'un jeune homme qui a de beaux pistolets, le coup sûr et honnête. Maintenant, si vous voulez bien comprendre la surprise respective des Saumurois et du jeune Parisien, voir parfaitement le vif éclat que l'élégance du voyageur jetait au milieu des ombres grises de la salle, et des figures qui composaient le tableau de famille. Essayez de vous représenter les Cruchot. Tous les trois prenaient du tabac et ne songeaient plus depuis longtemps à éviter ni les roupies, ni les petites glacettes noires qui parsemaient le jabot de leurs chemises rousses, à col recroquevillé et à plis jaunâtres. Leurs cravates molles se roulaient en corde aussitôt qu'ils se les mettaient attachées au cou. L'énorme quantité de linge qui leur permettait de ne faire la lessive que tous les 6 mois et de le garder au fond de leurs armoires laissait le temps y imprimer ces teintes grises et vieilles. Il y en avait en eux une parfaite entente de mauvaise grâce et de sénilité. Leur figure aussi flétrie que l'était leur habit râpé, aussi plissée que leurs pantalons, semblait usée, racornie et grimaçait. La négligence générale des autres costumes tous incomplets sans fraîcheur, comme le sont les toilettes de province, où l'on arrive insensiblement à ne plus s'habiller les uns pour les autres et à prendre garde au prix d'une paire de gants, s'accordait avec l'insouciance des cruchots. L'horreur de la mode était le seul point sur lequel les grassinistes et les cruchotins s'entendissent parfaitement. Le Parisien prenait-il son lorgnon pour examiner les singuliers accessoires de la salle, les solives du plancher, le ton des boiseries ou les points que les mouches y avaient imprimés et dont le nombre aurait suffi pour ponctuer l'encyclopédie méthodique et le moniteur. Aussitôt, les joueurs de loto levaient le nez et le considéraient avec autant de curiosité qu'ils en eussent manifesté pour une girafe. Monsieur des Grassins et son fils, auquel la figure d'un homme à la mode n'était pas inconnue, s'associèrent néanmoins à l'étonnement de leurs voisins, soit qu'ils éprouvassent l'indéfinissable influence d'un sentiment général, soit qu'ils l'approuvassent en disant à leurs compatriotes par des œillades pleines d'ironie « Voilà comme ils sont à Paris ». Tous pouvaient d'ailleurs observer Charles à loisir, sans craindre de déplaire au maître du logis. Grandet était absorbé dans la longue lettre qu'il tenait, et il avait pris pour la lire l'unique flambeau de la table, sans se soucier de ses hôtes ni de leur plaisir. Eugénie, à qui le type d'une perfection semblable, soit dans la mise, soit dans la personne, était entièrement inconnue, crut voir en son cousin une créature descendue de quelques régions séraphiques. Elle respirait avec délice les parfums exhalés par cette chevelure si brillante, si gracieusement bouclée. Elle aurait voulu pouvoir toucher la peau blanche de ses jolis gants fins. Elle enviait les petites mains de Charles, son teint, la fraîcheur et la délicatesse de ses traits. Enfin, si toutefois cette image peut résumer les impressions que le jeune élégant produisit sur une ignorante fille sans cesse occupée à rapetasser les bas, à ravauder la garde-robe de son père et dont la vie s'était écoulée sous ses crasseux lambris, sans voir dans cette rue silencieuse plus d'un passant par heure, la vue de son cousin fit soudre en son cœur les émotions de fine volupté que causent à un jeune homme les fantastiques figures de femmes dessinées par Westall dans les kepsacs anglais et gravées par les Finden. D'un burin si habile qu'on a peur, en soufflant sur le vélin, de faire envoler ses apparitions célestes, Charles tira de sa poche un mouchoir brodé par la grande dame qui voyageait en Écosse. En voyant ce joli ouvrage fait avec amour pendant les heures perdues pour l'amour, Eugénie regarda son cousin pour savoir s'il allait bien réellement s'en servir. Les manières de Charles, ses gestes, la façon dont il prenait son lorgnon, son impertinence affectée, son mépris pour le coffret qui venait de faire tant de plaisir à la riche héritière et qu'il trouvait évidemment ou sans valeur ou ridicule. Enfin, tout ce qui choquait les Cruchot et les Grassins lui plaisait si fort qu'avant de s'endormir, elle dut rêver longtemps à ce phénix des coussins. Les numéros se tirèrent fort lentement. Mais bientôt le loto fut arrêté. La grande Nanon entra et dit tout haut. « Madame, va falloir me donner des draps pour faire le lit à ce monsieur. » Madame Grandet suivit Nanon. Madame des Grassins dit alors à voix basse. Gardons nos sous et laissons le loto. Chacun reprit ses deux sous dans la vieille soucoupe écornée où il les avait mis, puis l'assemblée se remua en masse et fit un quart de conversion vers le feu. Vous avez donc fini, dit Grandet sans quitter sa lettre. Oui, oui. Oui, oui, répondit Madame Les Grassins en venant prendre place près de Charles. Eugénie, mue par une de ces pensées qui naissaient au cœur des jeunes filles quand un sentiment s'y loge pour la première fois, quitta la salle pour aller aider sa mère et Nanon. Si elle avait été questionnée par un confesseur habile, elle lui eût sans doute avoué qu'elle ne songeait ni à sa mère ni à Nanon, mais qu'elle était travaillée par un poignant désir d'inspecter la chambre de son cousin pour s'y occuper de son cousin, pour y placer quoi que ce fût, pour obvier à un oubli, pour y tout et prévoir, afin de la rendre autant que possible élégante et propre. Eugénie se croyait déjà seule capable de comprendre les goûts et les idées de son cousin. En effet, elle arriva fort heureusement pour prouver à sa mère et à Nanon, qui revenaient pensant avoir tout fait, que tout était à faire. Elle donna l'idée à la grande Nanon de bassiner les draps avec la braise du feu. Elle couvrit elle-même la vieille table d'un napperon et recommanda bien à Nanon de changer le napperon tous les matins. Elle convainquit sa mère de la nécessité d'allumer un bon feu dans la cheminée et détermina Nanon à monter sans rien dire à son père. Un gros tas de bois dans le corridor, elle courut chercher dans une des encoignures de la salle un plateau de vieux lac qui venait de la succession de feu le vieux monsieur de la Bertellière. Il prit également un verre de cristal à 6 pans, une petite cuillère d'eau dorée, un flacon antique où étaient gravés des amours et mit triomphalement le tout sur un coin de la cheminée. Il lui avait plus surgi d'idées en un quart d'heure qu'elle n'en avait eu depuis qu'elle était au monde. « Maman, dit-elle, jamais mon cousin ne supportera l'odeur d'une chandelle, si nous l'achetions de la bougie. » Elle alla légère comme un oiseau tiré de sa bourse, l'écu de 100 sous qu'elle avait reçu pour ses dépenses du mois. « Tiens, Nanon, dit-elle, va vite. Mais que dira ton père ?» Cette objection terrible fut proposée par Madame Grandet en voyant sa fille armée d'un sucrier de vieux sèvres, rapporté du château de Froidfond par Grandet. Et où prendras-tu donc du sucre? Es-tu folle? Maman, Nanon achètera aussi bien du sucre que de la bougie. Mais ton père, Serait-il convenable que son neveu ne pût boire un verre d'eau sucrée? D'ailleurs, il n'y fera pas attention. Ton père voit tout, dit Madame Grandet en hochant la tête. Nanon hésitait, elle connaissait son maître. Mais va donc, Nanon, puisque c'est ma fête. Nanon laissa échapper un gros sourire en entendant la première plaisanterie que sa jeune maîtresse eut jamais faite, et lui obéit, pendant que Ginny et sa mère s'efforçaient d'embellir la chambre destinée par M. Grandet à son neveu. Charles se trouvait l'objet des attentions de Madame des Grassins, qui lui faisait des agaceries. Vous êtes bien courageux, monsieur, lui dit-elle, de quitter les plaisirs de la capitale pendant l'hiver pour venir habiter à Saumur. Mais si nous ne vous faisons pas trop peur, vous verrez que l'on peut encore s'y amuser. Elle lui lança une véritable œillade de province, où par l'habitude les femmes mettent tant de réserve et de prudence dans leurs yeux qu'elles leur communiquent la friande concupiscence particulière à ceux des ecclésiastiques, pour qui tout plaisir semble ou un vol ou une faute. Charles se trouvait si dépaysé dans cette salle, si loin du vaste château et de la fastueuse existence qu'il supposait à son oncle, qu'en regardant attentivement Madame des Grassins, il aperçut enfin une image à demi effacée des figures parisiennes. Il répondit avec grâce à l'espace d'invitation qui lui était adressé, et il s'engagea naturellement une conversation dans laquelle Madame des Grassins baissa graduellement sa voix pour la mettre en harmonie avec la nature de ses confidences. Il existait chez elle et chez Charles un même besoin de confiance. Aussi, après quelques moments de causerie coquette et de plaisanterie sérieuse, la droite provinciale put-elle lui dire, sans se croire entendue des autres personnes qui parlaient de la vente des vins dont s'occupait en ce moment dans tout le Saumurois. « Monsieur, si vous voulez nous faire l'honneur de venir nous voir, vous ferez très certainement autant de plaisir à mon mari qu'à moi. Notre salon est le seul dans Saumur où vous trouverez réunis le haut commerce et la noblesse. Nous appartenons aux deux sociétés qui ne veulent se rencontrer que là parce qu'on s'y amuse. Mon mari, je le dis avec orgueil, est également considéré par les uns et par les autres. Ainsi, nous tâcherons de faire diversion à l'ennui de votre séjour ici. Si vous restiez chez Monsieur Grandet, que deviendrez-vous? Bon Dieu! Votre oncle est un grigou qui ne pense qu'à ses provins. Votre tante est une dévote qui ne sait pas coudre deux idées. Et votre cousine est une petite sotte, sans éducation, comme une sans dot, et qui passe sa vie à raccommoder des torchons. Elle est très bien, cette femme, se dit en lui-même Charles Grandet, en répondant aux minauderies de Madame des Grassins. Il me semble, ma femme, que tu veux accaparer, monsieur, dit en riant le gros et grand banquier. À cette observation, le notaire et le président dirent des mots plus ou moins malicieux, mais l'abbé les regarda d'un air fin et résuma leurs pensées en prenant une pincée de tabac et offrant sa tabatière à la ronde. Qui mieux que madame, dit-il, pourrait faire à monsieur les honneurs de Saumur? Ah, ça, comment l'entendez-vous, monsieur l'abbé? Demanda M. des Grassins. Je l'entends, monsieur, dans les sens le plus favorable pour vous, pour madame, pour la ville de Saumur et pour monsieur, ajouta le rusé vieillard en se tournant vers Charles. Sans paraître y prêter la moindre attention, l'abbé Cruchot avait su deviner la conversation de Charles et de Madame des Grassins. Monsieur, dit enfin Adolphe à Charles d'un air qu'il aurait voulu rendre dégagé, je ne sais si vous avez conservé quelques souvenirs de moi. J'ai eu le plaisir d'être votre vis-à-vis à un bal donné par monsieur le baron de Nucingen. Et parfaitement, monsieur, parfaitement, répondit Charles, surpris de se voir l'objet des attentions de tout le monde. Monsieur est votre fils? Demanda-t-il à madame des Grassins. L'abbé regarda malicieusement la mère. Oui, monsieur, dit-elle. Vous étiez donc bien jeune à Paris, reprit Charles en s'adressant à Adolphe. Que voulez-vous, monsieur? Dit l'abbé. Nous les envoyons à Babylone aussitôt qu'ils sont sevrés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Toutefois, j'aimerais que vous preniez note que la prochaine série d'épisodes sera dédiée à Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle dans sa nouvelle édition à la bibliothèque de la Pléiade, nouvellement traduite. Ceci était donc la partie 3 de Jean Grandet d'Honoré de Balzac. Nous sommes rendus à la page 104. Ici, Charles-Antoine Bugeaud. 28 septembre, 20h15.